j'ai vraiment beaucoup de mal à me remettre de notre séparation. Souviens-toi de nos journées sur mon lit à regarder le plafond. Je pensais que la nuit et le ciel étaient à moi. Mais depuis ce matin, tu es parti. Il ne me reste que ma voix. Fais avec, mais pas sans moi. Me jette pas ou avec toi. Fais avec, mais pas sans moi. Ça va. Fais avec, mais pas sans moi. Me jette pas ou avec toi. Fais avec, mais pas sans moi. Ça va. Cet après-midi a préparé un gâteau au chocolat. Je n'ai jamais su vraiment m'y prendre. J'ai fait tomber le chocolat. De méchanceté en compliment. Tu n'as fait que continuer. Frustration constante que déjà d'autres filles avaient commencé. Fais avec, mais pas sans moi. Ne jette pas ou avec toi. Fais avec, mais pas sans moi. Ça va. J'essaie de vivre sans toi, mais le chocolat n'a plus de goût. Je vais seul à l'Angelina, et chaque nuit je pleure tout bas. Il y a toujours tous ces gens cons qui jour et nuit me tournent autour. Mais si tu écoutes cette chanson, sache que je n'attends que ton retour. Sache que je n'attends que ton retour. Sache que je n'attends que ton retour.